بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نأخذ المسألة السابعة، ستم مسألة. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Toujours sur البقرة، où Allah عز وجل dans le sens où il dit sourd, muet et aveugle, ils ne reviennent pas. Verset 18. قال رحمه الله تعالى هذه الآية يدل ظاهرها على أن المنافقين لا يسمعون ولا يتكلمون ولا يبصرون. Donc ce verset, dans son apparent, laisse entendre que les munafiqun, les hypocrites, ni n'entendent, ni ne parlent, ni ne voient. Car le début du sourate al-Baqarah, là, il est lié à quoi ? Aux munafiqun. قال وقد جاء في آية أخرى ما يدل على خلاف ذلك كقوله تعالى ولو شاء الله لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَبَصَارِهِمْ. Et maintenant, d'autres versets sont venus démontrer le contraire de cela, comme dans la parole d'Allah Azza wa Jalla, dans le sens où il dit, et que si Allah avait voulu, il serait parti avec leur oui et avec leur vue. Sourate al-Baqarah, verset 20, en parlant des munafiqin. Donc, il se prouve qu'ils ont une oui, qu'ils ont des vues. وَكَقَوْلِهِ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. Et si jamais ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Dans le verset 4 des Munafiqun, surat al-Munafiqun. Donc là, kazalik, qu'il parle, c'est-à-dire, tasma li qawlihim, ay li fasahatihim, wa halawat al-sinatihim, pour leur éloquence et la plaisance de leurs paroles. Wa qawlihi, fa idha dhahaba al-khawf, salakoukum bi al-sinatin hidadin. Et que lorsque la peur s'en va, ils se mettent à parler sur vous de façon dure. Surat al-Ahzab, les coalisés, verset 19. En parlant des munafiqin également. Il est réel d'aller qu'à minel ayat. Wa wajhu al-jam'i zahirun. Wa huwa annahum bukmun an al-nutqi bil-haq. Wa in takallamu bighayrihi. Summun an al-sam'a. An sam'i al-haq wa in sami'u ghayrahu. Wa umyun an ru'yati al-haq wa in ra'u ghayrahu. Donc là maintenant, c'est quoi comme on lit entre les versets? C'est une chose qui est apparente. Qu'en fait, ils sont sourds, muets, du fait qu'ils ne peuvent prononcer la vérité. Et qu'ils ne peuvent pas, alors qu'ils peuvent parler avec autre chose, ils peuvent dire d'autres paroles, mais la vérité, ils ne peuvent la dire. Qu'ils sont sourds du fait qu'ils n'entendent pas la vérité, alors qu'ils peuvent entendre autre chose. Et qu'ils sont aveugles du fait qu'ils ne voient pas la vérité, alors qu'ils peuvent voir autre chose. Wa qad bayyana ta'ala hadha al-jam' bi qawlihi wa ja'alna lahum sam'an wa basaran wa af'ida. Quand cela, dans d'autres versets, cela est apparu, Allah Azza wa Jalla, dans le sens où il dit que nous leur avons accordé une ouïe, une vue et un cœur. Ou des cœurs plutôt, grâce au pluriel. Une ouïe, des vues et des cœurs. Surat al-Ahqaf, verset 26. لِيَنَّمَا لَا يُغْنِي شَيْئًا فَهُوَ كَالْمَعْدُومِ وَالْعَرَبُ رُبَّمَا أَطْلَقَتِ السَّمَمْ عَلَى السَّمْعِ الَّذِي لَا أَثَرَ لَهُ وَمِنْهُ طَيِّبْ. Donc il a dit qu'à ce qui n'apporte rien du tout est comme une chose inexistante. Ce qui ne t'apporte rien est comme une chose inexistante. Tu n'as pas de fil à en tirer. Et les Arabes, des fois, appliquaient le terme de l'assourdissement quant au fait d'écouter une chose qui n'apporte rien, qui n'a aucun profit. Puis c'était un vers de poésie, allant dans ce sens-là, qui est la parole de كعنبي ابن أم صاحب قال ثم إذا سمعوا خيل ذكرت بي وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. Il dit qu'ils sont sourds lorsqu'ils entendent du bien à mon encontre, mais lorsqu'ils entendent un mal, alors à propos, lorsqu'un mal à mon sujet est cité, alors ils acceptent. في هذا المعنى. Donc là, c'est le khulasa par rapport à ce verset. Que ces munafiqun, cela équivaut également, le jugement des munafiqun peut s'appliquer sur les gens du faux. Lienna, kama, takarrara fi ilm al-usul, wa fi ilm al-tafsir, anna, yani anna al-ibara bi'umum al-lafz, wa la bi'khusus al-sabab. Anna al-ibara bi'umum. Al-lafz, wala bi khusus al-sabab. qu'en fait, un verset, on le prend en considération par la généralité englobée par ces termes et non pas par la cause particulière pour laquelle est venu ce verset. Et ce qui se dit sur les gens, sur les munafiqoun, les règles qui s'attribuent aux munafiqoun, au al-kitab, au al-zalika, s'appliquent également sur les mubtadi'a en islam ou sur les désobéissants en islam et al-zalika. On ne dit pas ce verset-là que pour les gens du livre, donc nous ça ne nous concerne pas. Si Allah Azzawajal parle dans son livre, c'est pour qu'on en tire leçon. Pour dire que les actes qu'ils ont fait, on ne doit pas faire comme eux. Si jamais ils ont fait tel acte et qu'on fait pareil, c'est qu'on a été comme eux. Azzaw. Donc tu verras les gens du faux également pris dans ce jugement-là. Sourds, ils n'entendent pas la vérité. Muets, ils ne peuvent prononcer la vérité. Et aveugles, ils ne peuvent la voir. Azzaw wal jam bayna al-ayat. Walhamdulillahi rabbil alamin.